Anna Zeda, tu connais le name. C'est la loi. Anna Zeda, tu connais le name. C'est la loi. Je me balade dans la ville avec un brolic dans le slip. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Y'a rien à part comme le shit. La mala, c'est pas pour moi, je t'y sors le baillet où je te fais danser. Yeah. C'est maintenant et pas demain, mon équipe et moi fonctionne dans le silence. C'est la débauche, j'suis de bagarre quand ça picole. J'ai les mains salées sans menottes, ben ouais, c'est la street et ça picote. Pas beaucoup d'amis, les tchaga-tchaga y'en a mis. Et on en a vu des grands du Tchekar avec ses sédentus. Mais bon, c'est la vie, te cache pas, négro, on t'a vu. Et à mon avis, t'es plus accepté dans la rue. Toi, t'as plus de sous, tu fais l'ancien. T'as plus ton rinté, tu fais l'ancien. Prends le cash, prends le cash, prends le cash. Prends le cash, prends le cash, prends le cash. Prends le cash, prends le cash, prends le cash. Prends le cash, prends le cash, prends le cash. Prends le cash, yeah. Prends le cash, yo. Prends le cash, yeah. Prends le cash, yo. Prends le cash, yeah. Prends le cash, yo. Prends le cash, yeah. Prends le cash, yo. Moi et mes couilles on fait la paire. Ici on connaît pas la peur. Tous les autres sont des délateurs. Nous on sait que tu fais l'acteur. Nous si on vient sur un plan c'est pour carotte. On n'est pas en demi, nous prends pas pour des mômes. On a des meilleurs cachés dans l'aveu. Quand je joue pas tu vas réveiller tous nos démons. De la pure, de la merde, de la pure, de la merde. Je t'en donne. Le fan de l'épreuve, je m'en branle, ça c'est sûr, je t'en donne. Le million d'euros, faut le faire. Connais pas la crise monétaire, se débrouille comme un prolétaire. La concu n'a pas fini de faire. Font tous les gogoles devant le Beretta. Tout est au black dans le bulletin. Maintenant que je passe à la télé, j'ai compris que ça c'était mon destin. Toi t'as plus de sous, tu fais l'ancien. T'as plus ton rinté, tu fais l'ancien. Prends le cash, prends le cash, prends le cash. Prends le cash, prends le cash, prends le cash. Prends le cash, prends le cash, prends le cash. Prends le cash, prends le cash, prends le cash. Prends le cash, yeah. Prends le cash, yo. Prends le cash, yeah. Prends le cash, yo. Prends le cash, yeah. Prends le cash, yo. Prends le cash, yeah. Prends le cash, yeah.